Cours numéro 14. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقوله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله ولله العزة ولرسوله وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Donc dans ce verset, il y a plusieurs attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-afu, والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. العفو والمغفرة أي le pardon, الرحمة la miséricorde, et cet attribut on l'a déjà étudié ensemble précédemment. والعزة أي la puissance والقدرة la capacité. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى إن تبدو خيرا أي تظهروه أو تخفوه فتعملوه سرا أو تعفو عن سوء أي تتجاوز عمن أساء إليكم فإن الله كان عفوا عن عباده يتجاوز عنهم قديرا على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم فاقتدوا به سبحانه فإنه يعفو مع القدرة. Donc ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala أخبر أنه عفو قدير سبحانه. إن تبدو خيرا أي si vous faites apparaître un bien أو تخفو أو vous cachez cette chose أو vous la faites secrètement, فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. الله سبحانه وتعالى il sait tout, il voit tout, il entend tout كما تقدم معنا. قال أو تعفو عن سوء أي تتجاوز عن من أساء إليكم أي si vous pardonnez aux autres, vous ne les prenez pas sur ce qu'ils ont fait de mal envers vous-même, ay, le pardon. Fa inna Allah kana afuwan, ay, Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne. Al jaza'u min jinsi al amal, celui qui pardonne aux autres, Allah subhanahu wa ta'ala il lui pardonne. Celui qui ne prend pas en compte les gens sur tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils lui disent, fa Allah subhanahu wa ta'ala kadhalik, il lui pardonnera يوم القيامة. قال فاقتدوا به سبحانه فإنه يعفو مع القدرة. أي الله سبحانه وتعالى إلي على كل شيء قدير. تأملوا الverset فإن الله كان عفوا قديرا. الله سبحانه وتعالى يبردن. العفو ça ressemble au غفران. Et il est قدير. تستفيد ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى il est capable de châtier cette personne qui a fait tel péché. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Lakin, avec cette volonté, cette qudra, il pardonne. Et ça, c'est min al-kamal. Ça, c'est un attribut parfait. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne alors qu'il peut châtier. Wa shaykh al-fawzan, hafidhahullah ta'ala, huna, qala faqtadu bihi subhanahu wa innahu ya'fu ma'al qudra. Wa hakadha, nahnu, on doit faire des efforts fi hada. Anna, si on peut pardonner, enfin on doit pardonner, on doit faire des efforts fi hada. Anna al-insan il est dhaif, l'être humain il a des faiblesses, enfin peut-être que wahid il t'a dit une chose ou une remarque ou il t'a fait une chose qui ne te plaît pas, et parmi les bons comportements c'est de pardonner à son frère. Khas satan quand hada al-insan, quand ce frère c'est pas son habitude, et encore plus quand il demande pardon. هذا سأغيب الإنسان يعفو. Et avec cette intention, Anna, tu pardonnes à ton frère et tu espères que Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne comme tu as pardonné à ton frère musulman. قال وقوله وليعفو أي ليستر ويتجاوز أولو الفضل والسعة المذكورون في أول الآية وليصفحوا بالإعراض عن الجاني والإغماض عن جنايته. هذا وَلْيَصْفَحُ وَالصَّفْحُ c'est le fait de fermer les yeux, le fait de ne pas prendre l'insan sur tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Léana, si on se comporte hakada, et on veut fermer les yeux sur rien, et on veut se rendre justice sur tout, khasatan avec nos frères, il faut voilà, des frères de confiance, des frères qui sont sur le bien. Lakin, ça arrive les erreurs, ça arrive une parole mal placée. Si on veut prendre ce frère sur tout ce qu'il dit, sur tout ce qu'il veut, l'insan il restera seul. Léana, les êtres humains ils sont hakada, ils ont des faiblesses. Khasatan est encore plus important avec les proches. Il y en a les proches, c'est des personnes que tu côtoies tous les jours. Et celui que tu côtoies tous les jours, il n'y a aucun doute, annahu, il dira une chose qui te déplaît. Il fera une chose que tu n'aimes pas. Si on ne ferme pas les yeux, sans délaisser la vérité, bien sûr. Al-haq, al-haq, on doit le dire. Là, qu'une certaine chose, ça arrive. Un comportement, une parole. Insan, il avance. Et il pardonne à son frère. Et là, ce comportement, c'est une cause. Là, c'est une cause pour que cette personne elle-même, elle se remet en question. Elle se remet en question et elle est touchée par ce bon comportement et elle fait des efforts. Qala, ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum بسبب عفوكم وصفحكم عن المسيئين إليكم والله غفور كثير المغفرة رحيم كثير الرحمة. هذه الآية الواضحة. الله سبحانه وتعالى غفور أي لرحيم. قوله ولا تحبون أن يغفر الله لكم أي. Ça c'est un argument clair et une preuve du Coran. أن celui qui pardonne aux autres, c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui pardonne. Wa qawluhu wa lillahi al-izzatu wa li rasulihi hadha raddun 'ala al-munafiqin alladhina za'amu anna al-izzata lahum 'ala al-mu'minin wal-izzatu hiya al-quwwatu wal-ghalaba wa hiya lillahi wahdahu wa liman afadaha 'alayhi min rusulihi was-salihi 'abidihi la li ghayrihim. Fa Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-'izza wa hakadha الرسول et dans un autre verset وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لكن كما نبه أهل العلم et comme on a vu كثيرا ensemble أن عزة الله عز وجل c'est pas comme عزة المخلوق والشيخ العثيمين رحمة الله عليه رحمه الله نبه عن هذا dans son شرح فقال on lit son كلام. قال ولكن يجب أن نعلم أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كعزة الله فإن عزة الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين قد يشوبها ذلة لقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. Donc المؤمن même s'il a de la عزة à un moment donné, فلا شك que ça reste un être humain. لا شك ça reste un être humain. فلهذا قال عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة. انتم أذلة اي vous étiez faible et Allah سبحانه وتعالى il les a secourus في بدر. اما عزة الله عز وجل elle est parfaite. قال الشيخ العثيمين رحمه الله وقد يغلبون احيانا لحكمة يريدها الله عز وجل ففي احد لم يحصل لهم تمام العزة لانهم غلبوا في النهاية لحكم عظيمة وكذلك في حنين ولوا مدبرين ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم من 12,000 إلا نحو 100 رجل comme on a vu hier ensemble ولله الحمد dans notre explication de رياض الصالحين. قال هذا أيضا فقد للعزة لكنه موقت أما عزة الله عز وجل فلا يمكن أبدا أن تفقد. Ça nous montre que l'être humain peut avoir العزة, la force, la puissance, lakin dans certains moments il peut la perdre et Allah subhanahu wa ta'ala il l'éprouve comme ça arrivé pendant la bataille de Uhud et la bataille de Hunayn. Amma izzatullah azza wa jalla fala tufqad. Allah subhanahu wa ta'ala il a toujours cette puissance, c'est un attribut parfait. قال الشيخ الفوزان او plutôt الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا ايضا يمكن ان يؤخذ منه أو من القاعدة العامة وهي أن لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتماثل المسميان ولا من اتفاق الصفتين أن يتماثل الموصوفان. Et cette règle, on l'a vu ensemble, Kathir. Quand tu as un dalil, Akhil Karim, et que dans ce dalil, tu. Wallahi al-izzatu wa li rasuli. Tu as un love, c'est al-izza. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il se l'est attribué à lui-même. C'est un attribut parfait. Et kadhalik, il l'a attribué à son messager. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala fi haqqihi, c'est un attribut parfait. Et pour le messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam et pour les croyants, kama taqaddam. L'être humain, il a toujours des manquements et des imperfections. Parce que c'est un être humain. Donc, le fait qu'on a le même lafd, al-ishraku fi al-lafd, ou fi al-ism, ou fi al-sifa, on parle bien du lafd, du mot, c'est le même mot, izza, izza. Est-ce que c'est la même caractéristique? Al-haqiqa, là. La puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite. Elle n'est pas touchée d'imperfection, de manquement. Amma al-insan, il est exposé à des manquements, bien sûr. Hada kalam jamil min kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, dans son sharh. Qala. On revient à la parole de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala. هذا رد على المنافقين الذين زعموا أن العزة لهم على المؤمنين والعزة هي القوة والغلبة. العزة هي القوة, la force et la غلبة, le fait de prendre le dessus. فالله سبحانه وتعالى هو العزيز. قال وهي لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسله وصالح عبيده لا لغيرهم. Donc العزة لله, c'est un attribut parfait. Certains êtres humains, ils ont de la izza, lakin comme on a cité la remarque de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, accompagné de manquements, de faiblesses dans certains cas, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-qawi, c'est l'aziz, et il fait ce qu'il veut, et personne ne peut s'opposer à Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَيَقُولْ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Personne ne peut s'opposer à حُكْمُ اللَّهِ subhanahu wa ta'ala, à al-kawni al-qadari. قال وقوله عن إبليس قال فبعزتك أقص أو أقسم بعزة الله تعالى. أي هذا كلام عن إبليس. الله سبحانه وتعالى il a rapporté la parole de Iblis. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال شيخ الفوزان لأضلن بني آدم بتزيين الشهوات لهم وإدخال الشبهات عليهم حتى يصيروا غاوين جميعا اي ضالين. Ça c'est une promesse qu'il a fait Iblis, انه il va tout faire pour égarer tous les êtres humains. قال فبعزتك, il a juré par عزت الله سبحانه وتعالى انه il va tout faire pour égarer le plus de monde possible. ثم لما علم ان كيده لا ينجح الا في اتباعه من اهل الكفر والمعاصي استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. Bien sûr, ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi, il a préservé dans une qira'a al-mukhlasin, et dans une autre lecture parmi les lectures connues fi al-Qur'an al-Karim, al-mukhlasin. Al-mukhlasin, c'est ce qu'Allah il a choisi, cette lecture qu'on a dans ce livre qira'at Hafs, et d'autres lectures, que ce soit Warsh ou autre, ils lisent avec le kasr إلا عبادك منهم المخلصين, et il est sincère. Et ça, c'est une faïda. Le fait de connaître ces lectures, ça te donne des faïd azim. Donc, tu as deux sens avec les deux lectures. Al-mukhlasin, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi. Et al-mukhlasin, ceux qui sont sincères. Enfin, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi. Et il choisit qui il veut, azza wa jal. Et ceux qui font les efforts, qui font des causes. Et pas la plus grande cause pour être préservé des ruses de shaitan, c'est at-tawhid. إلا عبادك منهم المخلصين في قراءة, dans une lecture. أي ceux qui sont sincères. Donc on doit faire des efforts. الشيطان, tu ne peux pas être préservé de lui en allant voir des sorciers, عياذا بالله. En suivant des خرافات. En s'accrochant telle chose ou en mangeant telle chose. الشيطان, tu seras préservé de lui. بإذن الله عز وجل, en revenant au créateur. De الشيطان est ton créateur et le créateur de tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve ibadahu al-muttaqin, al-mukhlisin, al-muhsinin, ceux qui font des efforts. Allah subhanahu wa ta'ala, il les préserve de son ennemi, ay al-shaytan. الشاهد من الآيات قال الشيخ الفوزان أن فيها وصف الله بالعفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة، وهي صفات كمال تليق به عز وجل. Tous ces attributs, c'est des attributs parfaits que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a mentionnés dans son livre عز وجل. En tant que croyant, on doit accepter ces attributs. Les versets sont clairs et toujours la même règle. Ça signifie en rien que Allah subhanahu wa ta'ala y ressemble aux créatures. Abadan. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه ما نستفيده من الناحية المسلكية. أي هذه الصفات qui montrent ces attributs parfaits. Qu'est-ce qu'on peut en retirer nahnu min hayth al-iman wa an-nahya al-maslakiyya dans notre comportement, dans notre façon d'agir? Awalan qala fi al-'afw wa as-safh huwa annana idha 'alimna anna Allah 'afuw wa annahu qadir awjaba lana dhalik an nas'alahu al-'afw da'iman wa an nardu minhu al-'afw 'amma hasala minna min at-taqsir fi al-wajib. Donc awalan nastafid anna on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-afu ou al-maghfira. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. An yatajawaz anna fa dhunubuna kathira. Kama akhbar Allah subhanahu wa ta'ala innakum tukhti'una bil-layli wal-nahar. Et dans le verset wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne. Et dans le hadith fastaghfiruni aghfir lakum. Donc on doit en profiter. Allah subhanahu wa ta'ala karimun. يحب العفو كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنسني عائشة رضي الله تعالى عنها de dire quand elle a demandé qu'est-ce que je dois dire les dernières nuits de Ramadan أي في ليلة القدر أي أنسني هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام اللهم إنك عفو تحب العفو أي الله سبحانه وتعالى سي العفو من أسمائه العفو وكذلك الغفور إن لم pardonner. Donc toi tu demandes فاعفو عني. Ça c'est une فائدة عظيمة. كذلك on a lu من كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى une autre فائدة أن tu aimes te faire pardonner. Le croyant il est هكذا, il aime le pardon, il espère que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. هكذا on fait des efforts pour pardonner aux autres. Comme on aime que Allah subhanahu wa ta'ala, on espère que Allah عز وجل nous pardonne, tu dois pardonner à ton frère. Et on s'éloigne de ce mauvais comportement, ce mauvais caractère, la rancune et la rancœur. Une erreur, et بعض الناس يمسك هذا الخطأ أو ينزل أحيانا, c'est même pas volontaire. أحيانا c'est volontaire, l'être humain il a des manquements, لكن البعض وطلو, ils ont été éprouvés par un mauvais comportement, cette erreur elle est inscrite, notée dans leur cœur et ils n'oublient pas. Et pardon, il se vante, il dit, moi, j'oublie pas ce qu'il m'a fait. Là, si c'est ton frère, essaye d'oublier. Léna, tu aimerais un tas te faire pardonner, kadal, et tu aimerais que ton frère, si tu glisses, si tu as un manquement, si tu lui as fait du tort, tu aimes que ton frère, il te pardonne. Tu espères que Allah Azzawajal, il te pardonne. Hada. Donc, on essaye de faire des efforts, fi hada al-bab, al-azim. Qala, amma al-izzatu aydan, raqoul, إذا علمنا أن الله عزيز فإننا لا يمكن أن نفعل فعلا نحارب الله فيه مثلا الإنسان المرابي. الله سبحانه وتعالى سي العزيز. On a dit العزيز بمعنى القوة والغلبة. Il traduit par la puissance, ça ressemble à la force. Et Allah سبحانه وتعالى, personne ne peut s'opposer à lui. S'il a décidé d'une chose, il l'a fait سبحانه. Si tu as compris هذا, est-ce que l'insan il va rentrer en guerre مع الله سبحانه وتعالى؟ قال الشيخ الفوزان مثلا الإنسان المرابي, celui qui pratique l'usure, celui qui pratique le riba. قال معاملته مع الله المحاربة, celui qui pratique l'usure c'est comme s'il était en guerre مع الله سبحانه وتعالى. Pourquoi؟ قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قال الله عز وجل فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Et si vous délaissez pas, l'usure, ce qu'ils appellent les intérêts bancaires, et vous persistez et vous ne faites pas de tauba, fa Allah subhanahu wa ta'ala qal fa in lam taf'alu, si vous ne délaissez pas les intérêts, l'usure, fa adhanu bi harbin min Allah wa rasulih, ay préparez-vous à cette guerre ma Allah azza wa jalla et son prophète alayhi salatu wa salam. Fa celui qui connaît ce nom, Al-Aziz, et qui a cette conviction en Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de Al-Izza, ça va le freiner. Et ça va le pousser à faire tawbah. Léanna, celui à qui Allah Azza wa Jal, il déclare la guerre, fala yuflih. On doit bien se mettre dans le cœur. Léanna, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala déclare la guerre, il ne réussira jamais. Léanna, al-mulka, mulko. Wa al-khalq, khalqo. Ce royaume, il appartient à Allah. La créature, elle appartient à Allah. Wa rubbama Allah subhanahu wa ta'ala yusallit ala hadha l'insan, adouan, qu'il ne voit même pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable d'éprouver cet homme avec un ennemi que Hadel Insan, il ne voit pas. Et on a l'exemple avec ce virus qui fait beaucoup de mal. On peut pas le voir, on peut pas l'entendre, on peut pas le sentir, on peut pas le toucher. Jundun min junudillahi azza wa jal. Pourquoi? À cause de ses péchés, à cause de l'usure, à cause de zina, à cause de l'injustice, etc. كذلك قال شيخ العثيمين ويمكن أن نقول فيها ويمكن أن نقول فيها فائدة من الناحية المسلكية أيضا وهي أن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يكون عزيزا في دينه بحيث لا يذل أمام أحدا من الناس كائنا من كان إلا على المؤمنين فيكون عزيزا على الكافرين ذليلا على المؤمنين. نعم فائدة عظيمة. كذلك أن ذكر العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. On n'a pas le droit de se rabaisser en face des ennemis d'Allah Azza wa Jal et faire des concessions sur notre dîn alors qu'on a la possibilité de faire apparaître notre dîn, de secourir notre dîn. Le fait de se rabaisser, de se faire humilier alors que l'insan il a la capacité de répondre et de ne pas se rabaisser, ça fait partie des comportements du mu'min. كما قال شيخ العثيمين عزيزا على الكافرين dans le verset أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Et تقدم معنا ce verset. أما avec ton frère mu'min, نعم, la modestie, même s'il se trompe tu lui pardonnes, tu fermes les yeux sur beaucoup de choses. أما مع الكافر العزة, المؤمن il doit être fier de son dîn tout en gardant la modestie, tout en étant juste. لأن قوله أعزة على الكافرين, ça ne veut pas dire qu'on commet des injustices et on ment et on vole, même si c'est un kafir. Abadan. Ça, c'est la compréhension de Al-Khawarij Ad-Dullal. Ça, c'est la compréhension des égarés. Amma al-mu'min, fayulazim al-adl. Daiman, il essaye d'être juste avec Al-Qarib wal-Ba'id, avec Al-Wali wal-Adou, avec son allié, avec son ennemi, avec un proche, avec quelqu'un qui n'est pas proche. Daiman al-adl. Lakin, être fier de son dîn. Et le faire montrer son dîn et le mettre en application, c'est matloub. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الإمام ابن تيمية رحمه الله il a cité هنا certains versets pour montrer أن الله سبحانه وتعالى il n'a pas d'associé, il n'a pas de semblable, il n'a pas de mathil, pas de nid. وهذا تقدم معنا dans l'introduction de ce livre Al-Wasitiyya. Cheikh l'Islam le Taymiyyah rahimahullah, il avait fait cette précision. En Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de matil, il n'a pas de sami, il n'a pas de semblable, Azza wa Jal. Et هنا il a cité d'autres preuves. فنقرأ بإذن الله عز وجل. قال العلامة شيخ الفوزان حفظه الله تعالى تبارك اسم ربك البركة لغة النماء والزيادة. Al-baraka, en langue arabe, ça vient de an-nama, quelque chose qui augmente. Ou at-tabrik, ad-du'a bil-baraka. At-tabrik, c'est le fait de faire ad-du'a bil-baraka. Tu dis, مثلا, Allahumma barik. Ou ma'na tabaraka smu rabbik, ta'azama, ou ala, ou artafa'a sha'nuh. Ou hadha al-lafz la yutlaq illa ala Allah. Et ça, c'est une fa'ida, on n'a pas le droit de dire hadha al-lafz tabarak pour autre que Allah. Tabarak Allah. تبارك الذي بيده الملك كما سيتي دان القران. اما دير لو مو تبارك بور اوتر كالله سي حرام سي كو بور الله سي ريزيرفي اكسكلوزيفمون ا الله عز وجل. قال ذي الجلال والاكرام تقدم تفسيره في ايات اثبات الوجه. نعم هذا تقدم معنا كذلك ونا اتيدي مثل هذه الالفاظ دون نوتر اكسبليكاسيون دي نون الله عز وجل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه الى ستين بريسيزيون عند قول الله عز وجل تبارك. فقال رحمه الله قال العلماء معناها تعالى وتعاظم ان وصف بها الله عز وجل. اي quand on dit تبارك الله تبارك الله différencie bien لان il y a une autre chose c'est تبارك اسم ربك comme on a dans ce verset. Cheikh Ibn Uthaymeen il a différencié entre le fait de dire تبارك الله et تبارك اسم ربك. Donc تبارك الله c'est بمعنى تعاظم وتعالى ان وصف بها الله كقوله تعالى فتبارك الله احسن الخالقين. Ça c'est quand on dit تبارك الله اي تعاظم. Ça vient de التعظيم, ça vient de العلو. أن الله سبحانه وتعالى il est عظيم, il est au-dessus de tout le monde, il n'a aucune imperfection, il est parfait عز وجل. قال وإن وصف بها اسم الله كان معناها أن البركة تكون باسم الله. أي أن اسم الله عز وجل إذا صاحب شيئا صارت فيه البركة. Si on revient à la parole de Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى, il a expliqué هو dans son شرح تبارك اسم ربك بالتعاظم. قال تعاظم أو علا أو ارتفع إلى آخره. لكن شيخ ابن عثيمين رحمه الله il a fait cette distinction entre les deux lois. ثم قال رحمه الله أي شيخ ابن عثيمين dans son شرح وعليه فنقول إن فتبارك أي dans le verset هنا ليس بمعنى تعالى وتعاظم بل يتعين أن يكون معناها حلت البركة بسم الله. أما قوله فتبارك اسم ربك شيخ ابن عثيمين رحمه الله il a donné un sens مفيد أي قال البركة تكون بسم الله. أي si tu dis بسم الله avant de faire une chose, cette chose que tu feras, il y aura de la baraka. Al baraka c'est quoi? C'est le bien. Allah y mettra beaucoup de bien. فلهذا المؤمن avant de manger il dit بسم الله. C'est pour ça que le مؤمن avant d'avoir des rapports avec sa femme il dit بسم الله. C'est pour ça que le مؤمن dans beaucoup de situations il dit بسم الله. لماذا؟ لأن يتبرك il demande la baraka à Allah سبحانه وتعالى en prononçant son nom. Et il espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette beaucoup de bien dans cette action. Allez, hada, عند كلام شيخ الفوزان حفظه الله تعالى من المناسب, c'est qu'on écrive une note et vous mettez en référence la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen dans son sharh. عند الآية, quand il a expliqué le verset, c'est très simple à retrouver. Allez, vous revenez au verset que Cheikh l'Islam il a cité. هنا, la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen juste en dessous, il a fait cette distinction. On revient à la parole de Cheikh Al-Fawzan, قال حفظه الله تعالى وقوله فاعبده. أي le deuxième verset, فاعبده واصطبر لعبادته. أي أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره. والعبادة لغة الذل والخضوع وشرعا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. On répète, on a cité autre que كلام شيخ الفوزان اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. الله سبحانه وتعالى قال فاعبده أي أدغ الله سبحانه وتعالى السل. العبادة c'est tout ce que Allah سبحانه وتعالى il aime. On n'a pas le droit d'adorer un mort. On n'a pas le droit de sacrifier pour un wali comme ils font al-juhal. On n'a pas le droit de placer notre confiance en autre que Allah سبحانه وتعالى. التوكل سين عبادة. العبادة سين كبو الله عز وجل. On n'a pas le droit d'invoquer autre qu'Allah dans une chose qu'il y a que Allah سبحانه وتعالى qui peut nous donner. لأن الإنسان s'il ne peut pas nous donner une chose, فسي من الشرك de lui demander cette chose. قال واصطبر لعبادته أي أثبت على عبادته ولازمها واصبر على مشاقها. Ça nous montre أن adorer Allah سبحانه وتعالى il faut beaucoup de patience pour accomplir ces adorations. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ Aïe, ça demande de la patience, ça demande de la patience pour faire salat à l'heure. Ça te demande de la patience pour faire le hajj, ça te demande de la patience pour faire le siyam, ou même l'ibad. Et certaines ibadat, il faut plus de patience que d'autres. Lakin, al-muwaffaq man waffaqahu Allah azza wa jal. Celui qui est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite. Et, ربما avec quwwat al-iman, avec les efforts et l'iman, il monte. هذه العبادة, هذا المؤمن, il a le plaisir de la faire. Même si certaines ibadat, ça demandera toujours as-sabr, مثلاً al-jihad, fi sabilillah. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit al-qital, al-jihad, وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. Alors que vous détestez cela, hey, l'être humain de nature, il n'aime pas le combat, etc. Lakin, c'est une ibadah azima, bien sûr, sous certaines conditions, et ça demande de la patience. Et هذا, ça nous montre أن المؤمن doit demander هذا الصبر. Et il doit demander l'i'ana. C'est pour ça que من المشروع après الصلاة كما في حديث معاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم il a dit يا معاد إني أحبك. Il a informé معاد عليه الصلاة والسلام أنه اللام ثم il lui a dit لا تدع عند دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أي demande à Allah سبحانه وتعالى de l'aide. عني على ذكرك وشكرك. أي يا الله aide moi pour que je t'invoque, pour ne pas oublier الذكر وكذلك ذكرك وشكرك كذلك la reconnaissance وحسن عبادتك. أي الله سبحانه وتعالى nous facilite de l'adorer. ثم قال ولازمها واصبر على مشاقها هل تعلم له سميا الاستفهام للإنكار والمعنى أنه ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة. نعم مثل أو مثل على كل حال ça ressemble à النظير أي الله سبحانه وتعالى il a pas de semblable et c'est ça الشاهد. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند هذه الآية كما في التدمورية قال أي نظيرا يستحق مثل اسمه عز وجل. هل تعلم له سميا أي personne ne peut avoir les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala أي un semblable qui a les mêmes noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et les mêmes attributs. C'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala il est unique, c'est l'ahad. قل هو الله أحد. Allah il est unique dans ses noms et dans ses attributs. Donc, Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a cité ces ayats dans Al-Wasitiyya pour montrer en Allah Azza wa Jal, il est unique dans ses noms et dans ses attributs. قال وقوله ولم يكن له كفوا أحد. الكفء في اللغة العرب النظير أي ليس له نظير ولا مثيل ولا شريك من خلقه. C'est le même sens que هل تعلم له سميا. Et كذلك, c'est le même sens que ليس كمثله شيء. Essaye de retenir ces trois versets, c'est des arguments clairs. En Allah Azza wa Jal, il ne ressemble pas à ses créatures. On les répète, le premier هل تعلم له سميا, le deuxième ولم يكن له كفوا أحد, et le troisième ليس كمثله شيء. قال وقوله فلا تجعلوا لله أندادا. الند في اللغة المثل والنظير والشبيه. Et هنا quatrième verset. الند, ça ressemble à الكفء والسمي والمثيل والشريك. Tous ces alphas, le sens il est très très proche. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de semblable, il n'a pas d'égo, il n'a pas d'associé. قال أي لا تتخذوا لله أمثالا ونظراء تعبدونهم معه وتساوونهم به في الحب والتعظيم وأنتم تعلمون أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء وأنه لا ند له يشاركه في الخلق. نستفيد من هذا أن بعض الناس لماذا أشركوا بالله. Pourquoi certaines personnes ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. لماذا لأنهم ils ont donné certains attributs qui sont réservés à Allah exclusivement à certaines créatures. Prends مثلاً علم الغيب. قال عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. Donc Allah سبحانه وتعالى qui connaît l'invisible. Vu que بعض الناس ils ont pensé que les sorciers, que les devins, que un tel ils connaissent l'invisible, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur demandent certaines choses et ils se sont égarés. قال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لكن pourquoi هؤلاء ils font du shirk et donnent des associés à Allah عز وجل alors qu'ils savent. قال شيخ الفوزان وأنتم تعلمون أنه ربكم لأن هؤلاء ils reconnaissent أن الله عز وجل سي لو كرياتور. Ils reconnaissent أن الله سبحانه وتعالى c'est lui qui les a créés, qui leur a donné إلى آخره. لكن ils ont une autre شبهة comme on a détaillé ensemble dans كشف الشبهات ولله الحمد. أنهم يقولون que هؤلاء c'est des intermédiaires. Ils pensent que, et ça c'est في الحقيقة une autre, ou c'est le fait كذلك de donner un semblable à Allah عز وجل. Pourquoi? لأن في الدنيا المخلوق مثلا un responsable, un roi, un président, pour lui demander certaines choses tu dois avoir un intermédiaire. وإلا فهو il t'entend pas, il t'écoute pas, tu ne peux pas l'approcher, et c'est tout à fait normal. وهذا c'est معروف عند الجميع. فهؤلاء في الحقيقة ils ont comparé Allah سبحانه وتعالى la créature dans ce point, et ils pensent que s'ils si font salat, s'ils si font siyam, s'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala directement, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur répondre. Et ça, c'est très très grave. قال عز وجل ادعوني استجب لكم استغفرون يغفر لكم. Dans l'autre hadith, من يدعوني فأستجيب له. Allah subhanahu wa ta'ala, il répond أمن يجيب المضطر إذا دعا. وقال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. المسلم يغسي tous les jours هذا في الفاتحة, لكن بعض الناس يغسي ولا يتدبرون. ثم ils te disent هؤلاء qu'il faut demander à ce mort, pourquoi c'est un intermédiaire, Allah il l'aime. Ils ont comparé Allah à la créature. Allah subhanahu wa ta'ala il t'entend, demande-lui. Allah subhanahu wa ta'ala il l'aime que tu lui demandes, demande-lui. Allah subhanahu wa ta'ala il te répond, enfin demande-lui. Pourquoi passer par un makhlouq? Khassatan si c'est un mort, c'est une musiba, c'est du shirk. Il y en a le fait de demander à ce mort, c'est une invocation. Et l'invocation c'est al-ibada, ad-du'a huwa al-ibada. Donc celui qui demande à un mort pour que ce mort il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, waqa'a fi shirk. قال قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا لما فرغ سبحانه من ذكر الدليل على وحدانيته في الآية التي قبلها اخبر انه مع هذا الدليل الظاهر المفيد العظيم المفيد لعظيم سلطانه وجليل قدرته وتفرده بالخلق أخبر أن مع ذلك قد وجد في الناس من يتخذ معه سبحانه ندا يعبده من الأصنام العاجزة. Avec tout cela, هؤلاء reconnaissent أن الله c'est le créateur. Et Allah سبحانه وتعالى c'est lui qui leur a donné, qui les a créés, qui leur a montré الحق avec les messagers إلى آخره. ومع هذا يحبون الأنداد كم يزم الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وتقدم معنا في كتاب التوحيد أن العلماء قالوا كحب الله أي كم وزم الله أي كم لمؤمن إزم الله عز وجل. سأسي هذا تفسير. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أي كم وزم الله أو كم لامور الله سبحانه وتعالى. فكو سوى سو تفسير والأخر فلا شك أنه سي تخي غراف. وهنا المراد سي محبة التعظيم أي سي لادوغاسيون. هنا أون بارل با دو المحبة الطبيعية. الإنسان إلام سي زونفون إلام سا فامي إلى آخره, هذا سي واضح, سا سي أوتوريزي. لكن المحبة هنا سي محبة التعظيم والذل والإنكسار أي لادوغاسيون. قال أي إن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة تلك الأنداد, بل أحبوها حبا عظيما وأفرطوا في حبها كما يحبون الله. Donc c'est ça le premier tafsir. Ils aiment cette idole comme ils aiment Allah. Donc ils ont associé Allah في المحبة. Et l'autre tafsir, ils aiment ces idoles كحب الله, أي comme les croyants ils aiment Allah. Que ce soit cette explication ou l'autre, c'est très très grave. قَدْ فَقَدْ سَوَّوْهُمْ بِاللَّهِ فِي الْمَحَبَّةِ لَا فِي الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالتَّدْبِيرِ نعم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُونَ اللَّهِ. أي هؤلاء reconnaissent أن الخالق c'est Allah, celui qui donne c'est Allah, celui qui gère cet univers, la création c'est Allah عز وجل, لكن ils ont associé Allah سبحانه وتعالى في المحبة, في الدعاء, في الذبح par exemple. Ils sacrifient pour autre qu'Allah, ils demandent à autre qu'Allah. Ils aiment autre qu'Allah comme ils doivent aimer Allah ou comme les croyants ils aiment Allah. Et le mahabba et l'adoration. Fahada, iyadan billah, c'est du shirk. Al-shahidu min al-ayat. Qu'est-ce qu'on retient de tous ces versets? Anna fiha ithbat ismillah عز وجل وتعظيمه وإجلاله، وفيها نفي السمي والكفء والند عن الله سبحانه، وهو نفي مجمل. Donc tous ces versets, Cheikh l'Islam les a cités rahmatullah alayhi pour montrer que Allah Azza wa Jalla il est unique et il n'a pas d'associé dans ses noms et dans ses attributs. Tous ces attributs qu'on a vus auparavant et tous les attributs qu'on verra inshallah ta'ala dans ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala il a pas de semblable. Il a pas d'égo. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. On répète, tous ceux qui se sont égarés في هذا الباب من المعطلة والممثلة, c'est qu'ils ont fait du tamthil. Al-mumathila, c'est wadih, ils ont fait ressembler Allah à la créature. Et al-mu'attila, ceux qui ont rejeté les attributs, ils les ont rejetés ou déformés, li'anala, annahum, à la base, ils ont pensé qu'Allah y ressemblait à sa créature. Ayyadan billah. Qala wa huwa nafyul mujmal. وهذه هي الطريقة الواردة في الكتاب والسنة فيما ينفع عن الله تعالى، وهي ينفع عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله الواجب من أنواع العيوب والنقائص. Donc هذا c'est مذهب السلف. تقدم معنا dans المقدمة أن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم جمعوا بين النفي والإثبات فيما وصف الله به نفسه، أن الله فيما وصف به نفسه جمع بين النفي والإثبات. هكذا قال الإمام ابن تيمية المقدمة. النفي c'est من باب الإجمال. On avait dit أن le fait de détailler في النفي ça peut arriver dans certains cas, لكن à la base tu trouveras dans les textes الإجمال. Tu trouveras pas أن الله يرسمب على أن تل يرسمب على أن تل يرسمب على أن تل. Ces détails là tu trouveras une globalité, généralité. Allah il ressemble pas aux créatures. Ça englobe tout le monde. نعم. أما الإثبات فطريقة أهل السنة elle est basée sur le Coran, et dans le Coran tu as des détails. Et on vient de lire plusieurs versets. أن الله عز وجل قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال هل ça c'est du nafi. On passe directement à tous les versets qu'on a vus auparavant. أن الله سبحانه وتعالى il a des mains, il a un visage. أن الله سبحانه وتعالى c'est العليم, c'est الحي, etc. Hey, beaucoup de détails. Les madal et les détails, ça montre de la perfection. Plus il y a de détails, plus il y a de perfection. C'est une règle qu'on a vue avec les frères qui ont assisté avec nous au cours précédent, ou au livre précédent, hey, qu'on avait étudié ensemble, Al-Qawa'id Al-Mutla de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كذلك ce passage c'est la suite des versets précédents et toujours des versets أن الله سبحانه وتعالى il a pas d'associé. قوله هنا ولم يكن له شريك في الملك. الله il a pas d'associé dans son royaume. C'est lui qui gère seul, il fait ce qu'il veut. قال وقوله يعز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقول نعم أو الفيرسيل با فيني عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Donc tous ces versets c'est في نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. فنقرأ الشاهد من كلام شيخ الفوزان. On lit pas l'explication de tous les mots de tous les versets, on prend فقط l'argument pourquoi Cheikh l'Islam rahimahullah il a cité le verset هنا. قوله le premier verset ولم يكن له شريك في الملك. قال شيخ الفوزان ليس له مشارك في ملكه وربوبيته كما تقول الثانوية ونحوهم ممن يقول بتعدد الآلهة. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. C'est lui qui gère hada al-mulk, c'est lui qui a créé toute la création seule, sans associé. قوله, le deuxième verset, يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض, أي تنزهه جميع مخلوقاته التي في سماواته وأرضه عن كل نقص وعيب. Et vu que l'être humain ou autre parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça reste des créatures et ils ont des manquements et des faiblesses dans certaines choses. Allah subhanahu wa ta'ala sabbaha, ay nazzaha nafsahu yusabbihu lillah, ou plutôt man fis samawati wal ard yusabbihun Allah, yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, yunazzihun Allah subhanahu wa ta'ala, ay Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de toute imperfection, de tout manquement. Allah subhanahu wa ta'ala, il ressemble pas à la créature. Qawluhu تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا, فهذا تقدم معنا قوله تبارك الذي نزل الفرقان, أي dans l'autre verset تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ثم dans ce verset من نعم وبين أصنع من سورة الفرقان قال عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا إلى آخر. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال ثم وصف نفسه سبحانه بأربع صفات. dans ce verset من سورة الفرقان الله سبحانه وتعالى وصف نفسه, أي quatre choses الله سبحانه وتعالى il a cité important. الأولى قوله الذي له ملك السماوات والأرض, قال الشيخ الفوزان دون غيره فهو المتصرف فيهما وحده. ça c'est توحيد الربوبية. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans Ar-Rububiyyah. Lahu mulku as-samawati wal-ard ay wahda. C'est à lui qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est son royaume. Et c'est lui, Al-Malik. Et c'est lui le roi, Azza wa Jal. Donc, tout ce qui est dans ce royaume, ça fait partie des créatures d'Allah, Azza wa Jal. Des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala as-sifatu thaniya, le deuxième attribut, wa lam yattakhid waladan. كما تزعم النصارى واليهود وذلك لكمال غناه وحاجة كل مخلوق إليه. Donc, si tu as compris, Allah له ملك السماوات والأرض, toutes les créatures, c'est ses créatures, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a un enfant? Abadan. C'est pour ça que Allah قال ولم يتخذ ولدا. Allah subhanahu wa ta'ala il a pas d'enfant. Donc, toutes les créatures c'est ses créatures. Pas comme ils ont prétendu اليهود والنصارى أنهم c'est eux les enfants d'Allah. Anna Isa c'est l'enfant d'Allah, Anna Uzair c'est l'enfant d'Allah, tout ça c'est de la mécréance et du shirk. Thumma qal, Azza wa Jalla, la troisième sifa, wa lam yakun lahu sharikun fil mulk. Donc il n'a pas d'enfant et kadhalik il n'a pas d'associé. Il n'a pas besoin d'un associé, Azza wa Jalla. Limadha, li'anna celui qui a un associé, c'est qu'il a besoin d'aide. Et celui qui a besoin d'aide, c'est qu'il a des manquements. Et celui qui a des manquements, il est imparfait. Amma le créateur, il est parfait. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'aide. C'est pour ça qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas de compagnie, il n'a pas d'associé. قال الشيخ الفوزان فيه رد على طوائف المشركين من الوثنية والثنوية وغيرهم. نعم, tous les associateurs, ceux qui font du shirk. الصفة الرابعة على كتخيم وخلق كل شيء من المخلوقات ويدخل في ذلك فعل العباد فهي خلق الله وفعل العبد. الله سبحانه وتعالى il a tout créé. Il a créé les êtres humains et autres que les êtres humains. Et même les actions des êtres humains, c'est Allah qui les a créés. وهذا ce point, inshallah ta'ala, on le verra ensemble dans le chapitre du destin. قال فقدره تقديرا أي قدر كل شيء مما خلق من الآجال والأرزاق والسعادة والشقاوة وهيأ كل شيء لما يصلح له. Et Allah سبحانه وتعالى il a tout décrété. Si tu médites sur ce verset et sur ces quatre points, ça va te faciliter beaucoup de choses. Là, tu vas craindre que Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas fuir les causes. Et si tu es touché par un malheur, ou tu as subi une injustice, tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décrété. Et tu fais des efforts et tu te reprends. Et tu ne baisses jamais les bras. Et alhamdulillah. Thumma qal. Il a cité la parole d'Ibn Kathir, c'est une parole mufida. قال l'imam Ibn Kathir rahimahullah, et il fit tafsirihi, l'explication du verset qu'on vient de lire, min surat al-Furqan, nazzaha nafsahu anil walad wa anil sharik, thumma akhbara annahu khalaqa kulla shay, فقدره تقديرا أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala قال الحمد لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى c'est رب العالمين. فتو un خالق c'est Allah subhanahu wa ta'ala et autre que Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs c'est créé. Les anges sont créés, les messagers sont créés, l'être humain il est créé, nos œuvres elles sont créées, tout est créé sauf Allah subhanahu wa ta'ala. قال وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه. Et vu que c'est notre créateur, on doit l'adorer. وكل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره. Et tout ce qui se passe c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il gère tout. C'est al-qahhar. فالعباد مقهورون. On est tous sous حكم الله سبحانه. ثم قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. في هذه الآية ينزه الله تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة. هذا تقدم معنا كثيرا. أي الله سبحانه وتعالى إلى قدح سوسي. On passe directement au verset suivant. قوله فلا تضرب لله الأمثال. قال الشيخ الفوزان ينهى سبحانه عن ضرب الأمثال له. وضرب المثل هو تشبيه حال بحال. On n'a pas le droit de faire cette comparaison. Varbul matal, c'est comparer. Prendre en exemple telle chose et la comparer à Allah subhanahu wa ta'ala. Hada, c'est très très grave. Qala, wa kana al-mushrikun yaqulun inna Allah ajallu min an ya'budahu al-wahid minna. Falabud min ittikhad wasitatin baynana wa bayna. Fakanu yatawassaluna ilayhi bil-asnam ghayriha tashbihan lahu bimuluki dunya. فنهى سبحانه عن ذلك لأنه سبحانه لا مثل له أو لا مثل له فلا يمثل بخلقه ولا يشبه بهم. C'est cet exemple qu'on a cité auparavant. أن البعض, ils ont comparé Allah subhanahu wa ta'ala à la créature, enfin ils ont pensé que si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala directement, ou tu l'adores directement, enfin il ne te répondra pas, il ne t'entend pas, yadam billah. Enfin, ils ont pensé qu'il fallait passer par un intermédiaire. Enfin, ils ont adoré Allat, Wal-Uzza, Wa-Manat. Et à notre époque, Ba'dhum, ils adorent les Wali, Sidi Fulan. Pourquoi ils prétendent pour Shafa'a? Alors que c'est la même façon d'agir que Al-Kuffar à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam, il les avait combattus à cause de leur mécréance. Fahada, ça nous montre, le fait de prendre des intermédiaires dans l'adoration, c'est de la mécréance. Limada, l'Anna Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné de l'adorer seul. قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Donc tous ces versets nous montrent que on doit adorer Allah سبحانه وتعالى seul. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ حق الله أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. Ça, c'est haqqullah, c'est le droit d'Allah. C'est le droit le plus important. C'est la signification de notre shahada quand on dit « Ashhadu an la ilaha illallah ». C'est quoi le sens? C'est que tu dois adorer Allah seul. Tu témoignes, tu prends l'engagement que tu vas adorer Allah Azza wa Jal seul. Ils disent « Hadhihi al-kalima ». Bel ba'd al-dullal ka soufiya. Ba'dhum, ils ont des adhkars, ils doivent dire 100 fois ou 1000 fois ou akthar la ilaha illallah. Thumma, peut-être qu'ils disent ce dhikr, ils disent la ilaha illallah, et ils demandent à un mort, ou ils se prosternent devant le shir, ou ayyadam billah, ils tournent autour d'une tombe. Ça nous montre l'ignorance et l'égarement. قال الشيخ الفوزان إن الله يعلم أنه لا مثل له وأنتم لا تعلمون ففعلكم هذا صدر عن توهم فاسد وخاطر باطل ولا تعلمون ايضا ما في عباده الاصنام من سوء العاقبه. نعم والله ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. ايضا l'autre verset والله يعلم وانتم لا تعلمون. ثم le dernier verset الشاهد منه قوله وان تقولوا على الله ما لا تفعل ما لا تعملون. نعم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dans ce verset يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله سبحانه وتعالى nous a interdit beaucoup de choses. Et parmi les choses qui nous a interdit, subhanah, et bien sûr c'est pour notre bien, قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Le fait de dire une chose sur Allah سبحانه وتعالى sans علم. C'est pour ça que ceux qui parlent dans ce domaine, les noms et les attributs d'Allah عز وجل, sans علم, c'est très très grave. قال شيخ الفوزان من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولد ونحو ذلك مما لا علم لكم به ومثل ما كانوا ينسبون إليه من التحليلات والتحريمات التي لم يأذن بها. Le fait de prétendre qu'Allah سبحانه وتعالى il a un enfant, ou le fait de prétendre que Allah سبحانه وتعالى il a pas d'attribut, ou qu'il a pas de main, ou qu'il a pas de rahma, عياذا بالله, là c'est très très grave. Qui c'est qui les a informés? تقدم معنا من كلام الإمام ابن تيمية المقدمة فهو أعلم بنفسه وبغيره وهو أصدق قيل وأحسن حديثا. الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه. الله سبحانه وتعالى سي العليم. أي نوزا سيتي سيغتان دو سي زاتخيبي دون القرآن, فلماذا لي روجوتي أو لي ديفورمي؟ وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم سيتي أعلم البشر بالله. C'était la personne qui connaissait le mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a accepté les attributs, il les a pas déformés. Ma'ad Allah. قال الشيخ الفوزان حفظه الله الشاهد من هذه الآيات الكريمة أن فيها نفي الشريك عن الله تعالى وإثبات تفرده بالكمال ونفي الولد والمثل عنه سبحانه وأن جميع مخلوقاته تنزه عن ذلك وتقدسه, كما أن فيها إقامة الحجة على بطلان الشرك وأنه مبني على الجهل على جهل وخيال وأنه سبحانه لا مثل له ولا شبيه له والله أعلم. دونك نستفيد من هذه الآيات العظيمة أن الله سبحانه وتعالى لا pas d'associé, أنه il a les attributs parfaits. Et que d'ailleurs, on n'a pas le droit de parler dans ce domaine. Léana, ça fait partie de l'invisible, sans ilm. On peut ajouter, Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, qala, le dernier verset, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, wa yadkhul fil qawl ala Allah bi ghayri ilm tahrif nusus al kitab wa sunna fi sifat wa ghayriha. Que d'ailleurs, le fait de parler sans ilm, c'est ce que Al-Mubtadi'a Abdullah les font en déformant les versets. Mathalan, comme Taqaddam Ana, ils disent que les mains, c'est pas des vraies mains, c'est la force, ou c'est les bienfaits. Kadalik, ils disent que c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui descend le dernier tiers de la nuit, c'est un ange, ou c'est l'ordre. Bah, tout ça, c'est min al-kalami, ala Allah, bi ghayri ilm. Qal Cheikh Ibn Uthaymeen, fa inna l'insana, إذا حرف نصوص الصفات مثل أن يقول المراد باليدين النعمة فقد قال على الله ما لا يعلم من وجهين. أي celui qui prétend que Allah il a pas de main par exemple, et il dit que les mains c'est les bienfaits ou la force ou autre, il a parlé sur Allah سبحانه وتعالى sans علم. أي il parle sans science. Pourquoi? Pour deux choses. الوجه الأول أنه نفى الظاهر بلا علم. La première chose c'est qu'il rejette le texte apparent, et c'est un verset du Coran, sans علم. Si on lui demande c'est quoi le dalil, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit bal yadahu mabsutatan, la deux mains, et hadha al-muharrif il dit que c'est pas des vraies mains, c'est quoi le dalil? On va prendre le Coran ou la parole de hadha al-muharrif? Thaniyan athbata lillah khilafi ghayri dalil khilafahu bighayri dalil. Kadhalik, il a ajouté une chose, enfin il a rejeté une chose, hadha al-muharrif il dit qu'Allah il a pas de vraies mains, et il a ajouté une chose, il dit que c'est la force ou les bienfaits. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen fa huwa yaqul lam yarid لم يرد الله كذا. نعم هكذا لم يرد الله كذا, اي الله لا pas voulu dire que c'est des vraies mains. ثم قال واراد كذا, اي الله سبحانه وتعالى il a voulu nous dire que c'était la force ou les bienfaits. فاون لي répond هذا الدليل على انه لم يرد كذا ولم يرد كذا وعلى انه اراد كذا. C'est quoi le dalil? Et c'est là que on doit faire attention. ان هؤلاء disent الله سبحانه وتعالى il a pas voulu telle chose, et en fait le sens c'est telle chose. Mais c'est quoi le dalil? Allah subhanahu wa ta'ala, s'il aurait voulu dire telle chose, il nous l'aurait dit. Pourquoi il ne l'a pas dit? قال الشيخ ابن عثيمين فإن لم تأتي بالدليل فإنك قد قلت على الله ما لا تعلم. Enfin, celui qui prétend que tel attribut ça a tel sens, et il rejette le sens apparent et il délaisse la voix des salaf, il parle sur Allah bila ilm, qu'il le veuille ou non. Enfin, on doit faire attention, on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha al-bab. قال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. Celui qui ne sait pas une chose, il dit « Allahu a'lam ». parler sans ilm dans Umur al-Dunya, on n'a pas le droit. Pas le droit de parler sans ilm, même dans les choses de Dunya. Celui qui ne sait pas une chose, il se tait. Mais parler, ça avance, il a akhiri, ça peut faire du mal aux autres. Parler bila ilm dans Masail al-Fiqh, etc., kadalik, c'est grave. Peut-être que Wahed, il va dire telle chose, c'est halal, alors que c'est haram, ou c'est haram, c'est halal. C'est très très grave. Enfin, que dire de celui qui parle bila ilm fi haqqillahi azza wa jal? L'être humain, si un temps on te dit, tu as fait telle chose, ou par exemple, on te dit, tu as tel comportement. Wahed, il te dit, tu as tel comportement, il t'accuse d'une chose, que tu as tel comportement, et ce n'est pas vrai. Est-ce que tu vas accepter? Tu vas pas accepter, tu vas le dire, lakin, hat dalil, c'est quoi qui prouve que j'ai ce comportement? Parce qu'il n'y a pas de dalil, personne ne prendra sa parole en cause. Khasatan, si cet être humain, on le connaît, nahou, il n'a pas ce comportement, mais il a l'inverse. T'as que dire de celui qui prétend que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas tel attribut, il a tel attribut, ils prennent ce qu'ils veulent, ils rejettent ce qu'ils veulent, iyadam billah. Tout ça, fondé sur les passions. Dans ce dars, on a étudié plusieurs versets, et la plupart de ces versets, le sens global, c'était « Allah Azza wa Jalla, il n'a pas d'associé ». On doit l'unifier dans l'adoration, dans « Ar-Rububiyyah », c'est le créateur seul, et « Kadalik » dans ses noms et ses attributs. « Naktafi bihada » et le prochain « Dars ». Mais « Ibn Allah Azza wa Jalla », on continue à la lecture de « Had al-Matn al-Mufid » et on passe à notre deuxième « Dars ». Wa nas'alullah at-tawfiq wa s-sadad.